The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To dress up. Déguisé. Witch. La sorcière. Costume. Le costume. Halloween. Halloween. Story. L'histoire. Our place. Chez nous. Behind the times. Vieux jeu. More and more. De plus en plus. Skeleton. Le squelette. Now, a bit faster. Behind the times. Vieux jeu. More and more. De plus en plus. Witch. La sorcière. Halloween. Halloween. Story. L'histoire. Behind the times. Vieux jeu. More and more. De plus en plus. Halloween. Halloween. Story. L'histoire. Behind the times. Vieux jeu. Witch. La sorcière. More and more. De plus en plus. Our place. Chez nous. Skeleton. Le squelette. Story. L'histoire. Costume. Le costume. Skeleton. Le squelette. Story. L'histoire. Now, use the words in context. Déguisé. She's going to dress up like an angel for the party. Elle va se déguiser en ange pour la fête. L'histoire. Dad, tell me a story. Papa, raconte-moi une histoire. Chez nous. We don't celebrate Thanksgiving in our country. Chez nous, on ne fête pas Thanksgiving. Vieux jeu. He's a little behind the times. Il est un peu vieux jeu. De plus en plus. More and more people celebrate Halloween in France. De plus en plus de gens fêtent Halloween en France. Déguisé. She's going to dress up like an angel for the party. Elle va se déguiser en ange pour la fête. L'histoire. Dad, tell me a story. Papa, raconte-moi une histoire. De plus en plus. More and more people celebrate Halloween in France. De plus en plus de gens fêtent Halloween en France.